la nuit. Et c'est comme si, si je devais vivre l'enfer sans toi. Et c'est comme si, si tu voulais vaincre la terre.